Vous êtes bien sur Radio Dio et c'est l'heure de Leng Rebelle. Leng Rebelle. Leng Rebelle. Leng Rebelle. Leng Rebelle. Donc, bienvenue sur Leng Rebelle. C'est notre émission de rentrée aujourd'hui. Donc, on va faire pas mal de présentations, revenir sur la présentation de l'émission. On représentera aussi chaque rubrique pour que vous puissiez nous rejoindre tranquillement. Et oui, bienvenue pour cette rentrée sur l'émission Leng Rebelle. Et la thématique de notre émission aujourd'hui, ce sera l'apprentissage des langues. Voilà. Alors, pour commencer la présentation de cette émission, qu'est-ce qu'on peut se dire de Leng Rebelle ? La langue que vous l'aimez par là ? La langue que vous l'aimez par là. Et moi, j'aurais envie de dire aussi que c'est une langue de lutte. Oui. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je suis d'accord que c'est de comment arriver dans la langue avec une envie militante et comment on peut s'approprier quelque chose qui nous semble lointain ou pas accessible et comment faire un outil pour nous. Et du coup, est-ce pas une évidence ? Une langue, est-ce pas d'évidence rebelle ? Il y a une histoire des positionnements, des postures. Il y a aussi, elle peut, même si dans l'histoire elle n'est pas rebelle comme le français, elle peut le devenir selon ce qu'on en fait, puisque tu as parlé d'outils. Et voilà, effectivement, on peut aussi se la réapproprier. Arresta des subis. Exactement. Donc, on peut la ptafinar, comme on a appris l'année passée. On peut ptafinar un peu. Ptafinar la posture, imposa, ouais. Bon, moi j'étais un petit peu derrière la technique, j'ai pas tout suivi. Là, vous étiez en train de présenter l'émission, c'est ça ? Ouais, c'est quoi pour toi l'émission ? Leng Rebelle, c'est quoi pour moi ? Ouais. Ah, c'est une belle émission. C'est la rentrée, donc c'est un peu bizarre, mais c'est toujours avec autant de plaisir que je fais cette émission avec vous. Voilà. Alors moi aussi je voudrais dire un mot là-dessus, c'est que ouais, moi aussi j'aime beaucoup cette émission et que ça fait plaisir. Et je vous remercie tous. Trop cool. Du coup on parle maintenant peut-être de la thématique ou c'est... Oui, moi j'aimerais beaucoup l'approfondir. Eh ben, est-ce qu'on lance une chanson d'abord peut-être ? Alors d'abord j'aimerais redire juste parce qu'on a dit que la thématique c'était l'apprentissage des langues. On peut préciser que là on va pas parler seulement de l'apprentissage à l'école et que voilà, les langues ça s'apprend partout tout le temps et peut-être même à la radio. Ok, donc sur ça on lance un morceau de Four Bandit qui s'appelle Nemi Dunem. Denizlerle yıldızlarla yüze geldim bu limana. Tremolimin çaprodin tremblamen kasperavi. Neydim ne oldum burada gönül verdim bu limana. Kafulu kuarez rufugam, kafulu kuarez resperi. Nemidunem, nemidunem, nemidunem forabandi. Nemidunem, nemidunem, nemidunem forabandi. Nemidunem, nemidunem, nemidunem forabandi. Nemidunem, nemidunem. Nemidunem forabandi. bana yolcu olup bu limana. Lupol ulangi de bagulayre de trubayre. Umutları hasretleri aldım geldim bu limana. Lutin trabum bas paperastre, lutin trabum besango. Aradığımı buldum burada meğer sevdam bu limana. Kafulu poires le fougal, kafulu poires l'asperique. نمیدونم نمیدونم نمیدونم فورا باندیت نمیدونم نمیدونم نمیدونم فورا باندیت نمیدونم نمیدونم نمیدونم فورا باندیت نمیدونم نمیدونم نمیدونم فورا باندیت Tiago Ero Foro Bandit, qui est un projet musical entre May Occitanie et Anatolie, donc une rencontre entre deux espaces des cultures et des langues. Et Beléo, et la musique, May, que c'est rencontre, que c'est entremesque, que c'est entremélange. Et donc, Beléo, que c'est une langue rebelle, May, de faire des ponts, des passerelles, des ponts, des rencontres entre des cultures qui. Qui ne sont pas destinés clairement de faire ces rencontres et d'organiser des rencontres. Donc du coup, tu disais qu'on en pouvait entendre quoi comme langue, par exemple, dans ce CD, dans ce groupe ? Alors il y a d'Occitan, des Kurdes, des Turcs et d'autres langues d'Anatolie, mais je ne me rappelle pas le nom. Mais c'est qu'il y en a 12 ou 13 autres encore. Ok, d'accord, trop bien. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Tanzanette ? Ça va bien. Autant pour moi. Parce que moi, du coup, je voulais reposer cette question de l'apprentissage des langues. Est-ce que par exemple, quelqu'un ou quelqu'une d'entre vous connaît une langue d'Anatolie ou autre ? Pas du tout. ça veut dire liberta en kurde ? Azadi et Merce qui est Space. Mm-hmm. Moi en fait ça me fait penser à un article que j'ai lu, alors j'avoue je sais plus qui a écrit ça, c'était sur Slate, un article qui dit je sais pourquoi je sais pas parler arabe ou quelque chose comme ça, et en fait une des choses, enfin c'est Nana qui écrit ça et elle dit oui alors en fait, elle déplore le fait de ne pas parler arabe alors que ça devrait être sa langue maternelle. Et du coup, c'est mon cas aussi, parce qu'on a quand même expliqué à mes parents qu'il ne fallait pas m'apprendre l'arabe, parce que je risquais d'avoir des mauvaises notes à l'école, etc. Mais bref, le lien avec l'Anatolie que je trouve un peu drôle, c'est qu'à un moment, elle cite les choses qu'elle est censée savoir faire en tant que meuf rebeu, et dedans, il y avait savoir chanter une chanson de Tarkan. Alors voilà, moi je voulais dire quand même que je connais la chanson de Tarkan par cœur, mais je ne sais pas parler arabe ni turc. Tu voudrais pas nous la chanter ? Plus tard. Ok. Et ben, peut-être qu'on peut enchaîner sur notre thématique. Et Moi j'étais dans la thématique. Mais absolument. Mais comment as-tu appris cette chanson, tiens ? Mais bah je sais pas, parce que ça m'a. Je pense que les langues m'intéressent depuis très longtemps. et je trouve ça très beau là. Ok, je vous chante un petit bout. Ça fait juste, ça fait Sengere finden kiran yaradindere inden chigaran kederim puskul liberam yaranindere indam. Ouais. Je suis sûre que c'était plein d'erreurs, mais ça m'a fait plaisir de la chanter. Trop bien. Yo, dans la net, ce qu'a dit juste d'avant m'a fait penser à mon histoire et l'histoire de, par exemple, l'occitan qui n'est pas comme langue de naissance. Je suis à me dire que des fois, ma langue de naissance, ma langue maïra, est une langue étrangère. Et est étrange, est bizarre. Mais est-ce que me disent que des fois, il faut toute une samina même pour la trouver. Ma la première langue qui m'est arrivée à la oreille, c'est pas la langue que considère comme ma langue première. Mmh. Ouais, la langue maternelle peut-être, enfin, ne peut ne pas être notre langue première. Mmh. Ok. Peut être étrangère. Tu veux dire ouais, qu'on peut choisir notre langue maternelle en fait, notre langue de référence et celle qui nous parle le plus. Du coup, la langue maternelle, on considère quand même que c'est la langue que nous a transmis notre maman. Donc peut-être plutôt. Enfin, il me semble qu'on peut plus choisir notre langue première. Notre langue première, ce sera celle qu'on a envie, enfin voilà, qu'on choisit. Après, voilà, notre langue maternelle, notre langue paternelle, ça c'est quelque chose qu'on voilà qu'on nous a transmis. Mais en plus, c'est quand même pas trop mal de parler de langue première ou secondaire plutôt que de maman. Voilà, avec cette notion de choix et de détermination plutôt que de dire qu'il y en a qui n'ont pas de maman et que ça se trouve, ils n'ont pas pu se faire transmettre une langue par leur mère, quoi. Et du coup, pour en revenir à l'apprentissage des langues, qu'est-ce que vous pensez comment vous avez appris les langues qui n'étaient pas premières, du coup, dans votre enfance, adolescence? Est-ce que vous avez envie d'en parler, Zanzanet et Zanzanet? Et Zanzanet. Moi, il y a plusieurs langues auxquelles je pense comme ça. Il y a l'occitan, notamment, qui est. C'est bizarre parce que je pense que pendant longtemps, j'ai pas considéré que c'était une langue que j'avais apprise parce que je connaissais des mots, je connaissais des manières de parler, je connaissais des tournures de phrases. Et vu que j'ai toujours eu l'impression, et j'ai toujours un peu l'impression que je sais pas parler, j'ai pas l'impression que j'ai appris cette langue. Et j'ai pas l'impression que je la connais. Et en fait, j'aimerais que ce soit ma langue première plutôt que le français. Et je ne sais pas comment on organise cette transition, en fait, dans la vie. Comment on change de langue première? Est-ce qu'on fait une fête avec ses potes? Non, ça y est. Ouais, mais si tu ne la maîtrises pas après, tu peux toujours faire la fête. Hein. Bah ouais, mais pour l'apprendre, il faut bien la pratiquer. C'est ça le truc. Il y a bien un moment où tu ne maîtrises pas, où tu dois parler. C'est vrai que, Zandanet, tu m'as souvent dit que c'était une histoire de déclic. Parce que moi c'est pareil avec l'occitan, j'ai l'impression de pas la, enfin on me l'a pas transmis, mais en fait si, vu que je l'ai toujours entendu et qu'en fait je me rends compte que je le comprends quand tu me parles, parce que tu me parles souvent en occitan, et en fait c'est le fait de parler, parce que je pense que j'ai intégré le fait que je la maîtrisais pas cette langue, et en fait peut-être qu'il manque pas grand chose pour arriver à au moins essayer de parler. En fait après, ben là, okay, il y a des peurs à des amours, ça. Des peurs, des frustrations, des pressions latentes, des pressions sociales qui sont autour, qui subissent malgré nous. La colonisation intérieure, en fait, la colonisation de la tête. Ouais. Moi, je pense qu'il y a aussi des choses qui se créent dans les manières d'apprendre et de justement. Enfin, par exemple, quand on fait des ateliers langue dans une chorale. Pour moi, c'est vraiment de la pratique, de l'apprentissage par la pratique. Et quand on fait les ateliers dans la chorale, j'ai l'impression que je sais parler. Et c'est pas difficile, et c'est pas un truc qui me semble inaccessible. Et je pense que ça vient aussi de l'apprentissage scolaire, de donner une idée qu'il y a une science de la langue, et que tant que tu possèdes pas cette science de la langue, elle t'appartient pas. Et t'es juste quelqu'un qui essaye et qui rate un peu lamentablement de bien parler. Et je sais pas si ça vous parle. Ouais, en fait, c'est que là, quand on a parlé du thème d'apprentissage des langues, par exemple, moi, tout de suite, j'ai pensé dans, enfin, apprentissage scolaire. Mais parce que, en fait, voilà, je pense que je suis formatée et tout. Et en fait, ça a été hyper riche de me dire, enfin, quand vous avez insisté sur le fait, mais non, mais en fait, comment on apprend des langues, on les apprend. On les apprend aussi en dehors, mais quand on parle d'apprentissage en général, on a cette vision-là, en tout cas, d'un rapport avec une forme scolaire en tout cas. Et c'est vrai que ce qu'on peut faire, enfin on a des contacts avec des langues et en fait c'est aussi des apprentissages, il me semble aussi. Il me semble aussi que une des meilleures manières d'apprendre aussi des langues différentes, c'est la chanson. En tout cas pour moi, ok, c'est pas une langue de lutte, mais on peut aussi se la réapproprier. Mais pour moi, l'anglais, ça a été que à travers les chansons. Enfin, je pense que c'est à force d'entendre ça partout. Enfin, je pense que j'ai plus appris l'anglais à travers les chansons qu'en cours d'anglais, en fait, tout simplement. Moi, je pense que j'ai beaucoup appris l'anglais en traduisant des paroles quand j'étais au collège, ouais, en lisant dans les livrets des CD. C'est clair. En disant, oh, mais qu'est-ce qu'ils disent ? Et puis en fait, tu t'aperçois que c'est trop nul leurs paroles, t'es un peu dégoûté, mais. Mais au moins, tu maîtrises. Mais tu maîtrises. Yo, il y a une notion qui me semble que c'est à période une déclic quand il y a presque ma première langue socio, ma première langue choisie, qui est le vietnamien. Et en fait, il y a un rapport intime entre langue et identité. Je suis allé au Vietnam pour mes études à 20 ans. Et en fait, des personnes m'ont dit, de toute façon, tu n'apprendras pas le vietnamien. Je leur ai dit, hein ? Et pourquoi tu n'apprendrais pas le vietnamien ? Et je me suis dit, mais c'est pas normal que s'il y a des étudiants vietnamiens qui viennent à Thi apprennent nous le français et que yo, ben, en bon colon, il ne faut pas apprendre le vietnamien. Donc, mon stage n'avait pas abouti à une grosse importance, mais l'apprentissage de la langue permis intégral, il a abouti à une grosse importance. Et du coup, héros nulas même en langue, à bien 12 des Mayan, déjà en 6e en anglais, arrivé à pas, ni en français, ni en latin, ni en tout ce qu'il y a, c'est-à-dire. Et en vietnamien, en fait, comme avio, la fonction des m'intégra et puis des devenir, des venis vietnamiens. Et era un objectif, une ligne des mires, mais ça n'avait pas des réussites de capital rapidement. Et fin final, quand on avait marre de dire ma nationalité, le monde me demandait quelle était la nationalité. Leur disait, au départ, disait qu'il était français, puis il me parlait de la guerre, du bras de l'oncle qui manquait, de tous les morts et tout. Puis à un moment, je me suis dit, mais non, vous voulez pas porter à quoi. Et leur disait, comment est-ce que la ça vaut pas ma nationalité. Et me répondait, mais non, tu es bien que tu as nous bien. Parlons vietnamien, tu parles vietnamien, tu es vietnamien. Mmh. Alors qu'il parlait bien pas B, avait un accent des merdes, leur semblait pas physiquement, mais simplement l'effort d'essayer de parler la langue, héros vietnamien. Et à quoi elle était déterminée, parce qu'elle a appris une langue qui m'a enrichi au niveau de mon identité. Et elle a compris que mon identité est multiple et qu'elle a pu dire ça aussi. C'était possible de choisir son identité. Et à partir d'Ati, toutes les autres langues qu'il y a après, n'eront pas du tout dans la même dynamique. N'eront pas un simple apprentissage, n'eront une identité de plus. Ouais, mais tiens. Mais ce qui me plaît dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça conforte dans l'idée qu'on n'est pas quelqu'un comme ça, tout est carré. En fait, on se construit en rencontrant des gens et en fait, c'est par les expériences et les rencontres qu'on est aussi, qu'on est ce qu'on est, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément à chercher à l'intérieur de nous une sorte d'identité qui serait en nous. Mais en fait, c'est par toutes ces rencontres qu'on fait, c'est ça qui fait ce qu'on peut être à un moment donné et que le lendemain, être sur autre chose et tout ça. Enfin, je ne sais pas si... Et me demande s'il n'y a pas un blocage d'un état français pour l'apprentissage des langues, en l'idée de l'identité qui est prédéterminée, et qui est unique, monolithique et tout ce qui est... Et que l'état-nation est indivisible, ça ne veut pas dire. Et du coup, forcément, participer en l'idée que notre identité va être d'être français, plus bas. Donc, à partir du moment où sortent d'Aco, c'est déjà un peu des mauvais sujets, vous savez pas qui. Mais il y a un truc qui me parle dans ce que vous avez dit, que je trouve qu'apprendre une langue, c'est un peu un moyen de faire émerger un bout d'une identité qu'on n'avait pas encore vue chez soi. Je sais pas, il y a cette espèce de langue imposée quelque part qui est la langue maternelle, qui est celle qu'on nous a apprise, et qu'on choisit de faire émerger avec des nouvelles langues, des nouveaux concepts, des nouvelles couleurs, des nouvelles subtilités dans notre pensée, et qui sont propres à chaque langue. Et quand tu parlais des gens au Vietnam qui disaient si tu parles vietnamien, t'es vietnamien, moi c'est un truc que j'ai beaucoup entendu de la part de gens qui parlent des langues locales, donc du basque ou de l'occitan, de dire bah, tu parles basque, t'es basque, c'est simple. Et qu'avec le français, on ne dit jamais aux gens tu parles français, t'es français. Bah justement, peut-être que si, enfin, il y a là un truc où, où parce que des personnes parlent un français qui est pas le même que enfin et ben on pourra dire mais parle d'abord français avant de avant enfin pour être français et du coup cet argument il peut être aussi utilisé dans dans un sens bah justement enfin bah facho raciste quoi. Disons les mots comme, comme, comme ils viennent être dit, mais voilà donc du coup faut aussi contextualiser cette enfin ce truc ou que cet argument là il peut être sorti d'une enfin d'une manière à l'inverse quoi en fait ouais tu maîtrises pas mon français en fait t'es pas français mais c'est ça enfin j'ai l'impression qu'il y a tu as cette espèce de français référence qu'il faudrait parler pour avoir le droit d'être français pour ces espèces de gens fachos là. Mais il enfin il n'existe pas ou personne ne le parle en vrai ou très peu de gens le parlent et le français avec lequel les gens échangent au quotidien c'est même pas ce français enfin c'est pas ce français là c'est un fantasme c'est ça c'est un espèce de français fantasmé des riches des gens qui ont une culture littéraire très élevée et que si t'es en dessous de ce niveau de référence t'es pas accepté c'est dommage parce que dans d'autres pays comme en Allemagne je pense peut-être en Angleterre, mais en tout cas certainement aux États-Unis, il y a des langues qu'on appelle... Enfin, il y a l'allemand simplifié qui existe, par exemple. Et l'allemand simplifié, en fait, c'est un... C'est un comment dire... Un ensemble de mots et de verbes qu'on apprend à des personnes arrivant sur le territoire. Alors, évidemment, c'est pour leur permettre de s'intégrer dans la vie, en fait... administrative, peut-être. Administrative, mais économique du pays, okay. Surtout. Enfin, je veux dire, il y a un intérêt pour l'Allemagne de faire ça. Mais c'est vrai que pour les gens aussi qui arrivent et qui savent qu'on met à leur disposition un moyen de s'intégrer rapidement... Et effectivement, bah oui, de trouver un travail rapidement et tout ça, bah c'est quand même un effort incroyable. Et je veux dire, ça existe aussi aux États-Unis. Je comprends juste pas que ça existe pas encore en France. Il paraîtrait qu'il y a des gens qui bossent dessus, mais bon, on sait pas c'est pour dans combien de temps. Alors du coup, il y a quand même l'argument commercial, enfin pas commercial, économique, mais ouais, économique, voilà, qui pourrait peser en la faveur de l'invention d'un français simplifié. Mais j'ai l'impression qu'on est tellement figé ici en France que c'est ouais c'est compliqué quand même enfin avec voilà tout ce que tu viens de dire sur quand on dit bah tu parles pas un bon français voilà quand on sait ce que c'est que le vrai bon français bah c'est pas possible en fait même personne ne parle comme ça. Bon après il suffit juste ouais de se dire que voilà il y a pas enfin il existe pas en fait de bon français. Enfin, juste, c'est pas rien, mais en tout cas d'essayer de se rendre compte des différents français et aussi et des différents, enfin des différentes langues qui existent sur le territoire, enfin par ici en tout cas autour de Saint-Étienne. Et je pense que enfin, c'est cool quoi. J'ai l'impression que ce dont on parle, c'est quelque chose qui se retrouve dans tous les, enfin toutes les formes d'oppression, c'est qu'il y a un standard qui est fixé par les dominants et que ce standard, il sert à t'opposer l'intégration, enfin à te dire que tu n'as pas le droit d'appartenir à ce groupe de dominants et à te pourrir. Et c'est pareil pour plein de choses, enfin comme pour le sexisme où t'as les critères de la bonne meuf et qui sont des choses inatteignables. C'est les critères de la personne qui parle bien français pour quelqu'un qui vient de l'étranger, ben ils sont inatteignables. Ouais, tu peux pas être dans une maîtrise de cette langue en tout cas. C'est une arme de dominant. Mais bien sûr, ouais, c'est sûr. Je voulais juste rebondir, enfin ça n'a pas trop de rapport, donc par rapport au mot économie, du coup ça me faisait penser à la discussion qu'on avait juste avant, du coup pour revenir un peu sur l'apprentissage des langues, et du coup comment dans nos histoires on nous a aussi mis en avant certaines langues qui auraient une valeur plus importante que les autres et du coup c'est pour ça qu'on est censé les apprendre à l'école et donc moi je me souviens par exemple au collège qu'on avait beaucoup de personnes, beaucoup de profs nous disaient, en fait, il faut prendre l'allemand parce que dans quelques années, ça va être un vrai partenaire économique de la France, elle est déjà, et ce sera une vraie richesse de savoir parler allemand quand tu chercheras du travail. Donc déjà, un, au collège, on ne cherche pas du travail, et deux, enfin, c'était aberrant, je trouvais, la manière dont c'était présenté, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas. Mais pareil pour moi, du coup, qui vient de l'Est de la France, on nous appuyait cet argument de proximité aussi, qui est pas faux, du coup, c'est clair qu'on peut... On peut se dire que c'est des voisins et que du coup on peut apprendre leur langue et naviguer entre les deux pays, mais c'est, enfin, évidemment l'argument était plutôt professionnel. Après, et je me souviens, oui, qu'on nous disait que oui, qu'il fallait bien réfléchir parce que l'Espagne c'était vachement plus loin. Mais bon, alors, j'ai pris espagnol quand même. Moi, pour le coup, je voulais prendre espagnol au collège et là où j'ai grandi, c'était vraiment plus près de l'Espagne. Ouais. Et on me disait quand même qu'il fallait prendre l'anglais parce que c'était mieux, c'était plus important. Et clairement, les gens qui prenaient espagnol, c'était les mulos, quoi. C'était les gens qui n'avaient aucune ambition et qui n'avaient pas envie d'avoir un super avenir dans la société. Enfin, tu vas nulle part si tu prends espagnol en LV1, c'est quand même très bizarre. Et quand tu te retrouves après à apprendre des langues, enfin, en fait, que les gens décrètent comme un peu farfelu. Enfin, au lycée, j'ai fait du russe en langue vivante. Et quand tu dis ça aux gens, ils disent « Mais pourquoi t'es allé faire du russe ? Enfin, c'est quoi cette idée chelou ? D'où tu sors ça ? Ça va te servir à quoi ?» Ouais, c'est pas utile. C'est pas utile, quoi. Ça sert à rien. D'utilité. Ouais, il y a l'histoire de l'apprentissage qui est toujours liée à l'utilita et à l'avenir professionnel. Et yo, si devient tourne à dire ce que sérieux mon métier d'avenir, en me tournant au collège, je me dirais que je voudrais être zadiste. Et, métier d'avenir. Et du coup, que sérieux une enveille où il n'y a pas de dilemme, où il n'y a pas de ce voilà la face à mita, de faire un contrat de sa réelle enveille. Et du coup, je ne suis pas sûr que l'anglais est la meilleure langue pour être zadiste. Et pourquoi fait, pas bon, qu'est-ce une... qu'est-ce pas l'Utsami qui se prépara pour nous. Mais moi, ça me fait penser, en parlant d'utilité, j'avais ce qu'on appelle un profil littéraire au lycée. Et du coup, je sais pas comment c'est arrivé. Bon, on m'a foutu en cours de grec ancien. Et du coup, enfin, moi, j'ai vraiment pas compris ce qui s'était passé cette année-là, parce que je crois que j'ai redoublé la seconde. Et du coup, on m'a dit, bah non, mais t'inquiète, enfin, là, tu vas faire ça et ça. Donc, on m'a mis deux options. Et l'une des deux, c'était grec ancien. Donc là, tu me parles d'utilité. Alors, effectivement, le grec ancien, ça peut être super intéressant au niveau de l'étymologie de certains mots. Mais bon, globalement, dites-moi, hein, mais je vois pas vraiment un grand nombre de corps de métier dans lequel ça pourrait être super chouette de maîtriser le grec ancien. Eh ben, moi, je pense que je vois l'utilité, parce que j'ai eu la même avec le latin. Enfin, l'utilité. La manière dont on te le présente, c'est que connaître le grec ancien ou le latin, justement, ça te permet de rentrer dans le club super select des gens qui comprennent très bien le français littéraire. Mais oui, mais... Et du coup, c'est genre, wow, t'es vraiment, tu mérites de monter en classe de. Oui, parce que tu connais la racine de chaque mot. C'est ça. Sauf qu'on l'a déjà dit dans cette émission, c'est bien de connaître la racine qui peut être latine ou grecque, mais si on ne connaît pas tout le voyage qu'a fait le mot, je suis désolée, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Mais dans l'idée des gens, c'est ça. Moi au collège, on pouvait prendre soit latin, soit occitan. Allez. Et si t'étais genre au top du top, tu prenais les deux. J'ai pris les deux, t'as vu? Et c'est bizarre parce que pour moi c'était extrêmement valorisé de faire du latin et de l'occitan au collège, c'était les meilleurs de la classe quoi qui faisaient ça, il y avait la classe spéciale des gens qui faisaient les deux quoi qui Waouh, trop bizarre. Ouais. Eh bien, peut-être que c'est peut-être le moment de se faire une petite pause musicale. Une petite pause brestoise en écoutant Tiny Feet avec la personne s'appelle Tiny Feet et le titre c'est Mogeriu Mor. Mon pivot des âmes Toujours sur Radio Dio, il est 17h32 et c'était Tiny Feet avec Mogeryu Mor. J'espère que je le prononce correctement. D'accord, il est pas évident. Elle a décidé d'apprendre le breton, mais il n'y a pas combien de ça. Moi j'ai un lexique breton français dans mes toilettes et je regarde des mots au hasard, c'est super. Est-ce que vous voulez rajouter un truc soit par rapport au thème de l'apprentissage des langues ou par rapport à la chanson qu'on vient d'écouter? Par rapport à la chanson, je dirais qu'en live, ça doit être trop bien. Mmh. Et par rapport à la thématique, moi, j'aurais bien aimé aussi qu'on parle des expériences agréables d'apprentissage des langues qu'on a faites en dehors de l'école, peut-être. Ou de choses qui nous ont semblé fonctionner, ou de trucs dont on a entendu parler, mais peut-être c'est trop long. Moi, non. Bah, je pense qu'on peut... moi, je sais pas si j'ai une expérience particulière récente. Non, en fait, je vais laisser la parole d'abord à quelqu'un d'autre. Moi, récemment, je peux pas dire que j'ai appris l'occitan, mais grâce à la chorale occitane de Saint-Étienne. Est-ce qu'on refera un petit point là-dessus, peut-être? Peut-être que tu nous expliques ce que c'est. Eh bien, c'est une chorale dont nous pourrons présenter les prochaines dates dans notre rubrique agenda. Avec laquelle j'ai chanté plusieurs fois et qui me fait avoir un pied dans l'occitan. Voilà, je parle pas l'occitan, mais ça me fait plaisir, encore une fois, à travers la chanson, de pouvoir accéder à cette langue. Oh, elle s'éveille quand t'entends. Merci. Et ouais, du coup, ce qui est chouette dans cette chorale, c'est que on fait vraiment des ateliers où on réécrit des chansons. Et vu qu'on n'est pas nombreux à bien maîtriser le vocabulaire, bah, c'est l'occasion d'apprendre, d'inventer des mots. Et en fait, on s'invente un peu l'occitan qui nous convient au fur et à mesure où on apprend. Et ça, pour moi, c'est vraiment agréable, enfin, de se dire que les mots qu'on apprend, c'est ce qu'on crée, quelque part, en prenant des mots de plein d'occitans différents, en les remélangeant. Ouais, que la vie d'une langue de peuple. Ouais. En plus, si je peux me permettre d'ajouter, quand on crée des mots dans ce genre de cadre un peu DIY, etc., le but, c'est quand même pas de fermer la communication. Au contraire, c'est d'ouvrir les idées et de s'ouvrir aux autres. Et je pense que de laisser ou de rendre une langue malléable, C'est un moyen de l'ouvrir encore plus, quoi, et pas de s'enfermer dans un groupe de personnes qui ne parleraient que cette langue parce qu'elle est régionale ou quoi, au contraire. Ok. Moi, du coup, juste pour l'expérience, ça, enfin, je peux pas dire que j'ai appris le finnois, mais en tout cas, on m'a transmis une chanson il y a pas longtemps, et c'était super chouette la manière de la transmettre parce que je suis pas passée par l'écrit. C'est la première fois où j'apprends une chanson sans en passer par l'écrit, d'une langue que je ne connaissais pas du tout. Donc ouais, le finnois. Et du coup, de le faire en faisant les vendanges, donc c'était assez drôle d'être dans une activité un petit peu répétitive et d'apprendre des mots, enfin des syllabes qui se suivent et en chanson. Enfin voilà. Du coup, on l'écoutera un petit peu plus tard. Oui. Maintenant, est-ce que l'on passerait pas? Eh bien, j'ai une transition, si vous voulez, incroyable. Parce que moi, une des langues que j'ai appris vite fait, comme ça, c'est, en voyage, c'est l'islandais, qui est une langue que je trouve très belle. Enfin, en tout cas, la sonorité me plaît. Moi, c'est souvent mon point d'entrée sur les langues, c'est que je trouve la sonorité un peu fascinante. Et l'islandais, je l'ai beaucoup appris en lisant des cartes, en fait. Parce que les noms des lieux, en islandais, c'est des toponymes transparents. Ce qui m'amène, et pardon de t'interrompre, mais juste à la définition de cette rubrique qui s'ouvre dès à présent, la rubrique toponymie. Qu'est-ce que c'est que la rubrique toponymie, Zanzanet? Alors la toponymie, c'est une sorte de science, mais en fait, ce n'est pas tant compliqué, mais c'est la signification des noms des endroits, des noms de lieux. Et etc. Fort bien. Continuons donc avec la toponymie islandaise. Voilà. Et donc, sur les cartes en Islande, ce qui est chouette, c'est quand on est complètement perdu et qu'on fait du stop, quand on voit où on arrive, on sait ce qu'il y aura autour. Par exemple, il y a cette espèce de volcan dont tout le monde connaît le nom vite fait, qui s'appelle Eyjafjallajökull, qui signifie en fait le glacier, Jökull, sur les montagnes, Fjall, proche des îles, Eyja. Et il y a aussi une petite île où je suis allée qui s'appelle Eyjafjörður, et c'est le fjord des îles. Et en fait, de capter au fur et à mesure ces mots et de pouvoir les lire sur la carte, ça m'a donné tout de suite l'impression d'être immergée dans quelque chose où je savais où j'allais. Enfin, je sais pas comment dire. T'as un truc de d'appartenance qui était assez chouette, tu comprends l'endroit dans lequel tu te trouves, et petit à petit t'apprends des mots. Qui est une forme d'autonomie. Oui, vraiment, et ça c'était super. Et c'est vrai qu'en fait, souvent, les noms de lieux se rapportent à des choses, enfin des éléments qui caractérisent les lieux. Topographie, ouais. Voilà, et en fait on s'en éloigne, et tu l'expliques bien souvent dans Zanette. Est une des raisons que de faire désapparaître la langue occitane par l'État français et de nous faire venir hors sol rapport à notre espace de vie. Et justement, le mouvement inverse des récupérations de la langue est une moyen justement des retrouvas, des tournatrouvas, ce que se décrit en Islande. Le fait de faire partie du paysage et pas d'être déconnecté. Ouais, déconnecté et d'être hors sol, fort sol dans le paysage et dans le pays. Ouais. Ouais, d'avoir fait disparaître l'Occitan, ça a rendu opaque tous ces trucs-là alors qu'ils auraient pu rester transparents. Et puis au départ, tu décrivais ça comme une science. Je pense que la science, elle est. Enfin, le côté science un peu. Qui rend la chose compliquée, c'est quand justement. La langue initiale a disparu et que tu peux plus reconnaître le truc et qu'en fait il te faut des recherches et un bouquin pour comprendre où t'es et pour comprendre qu'en fait l'endroit où tu te trouves, bah, ça s'appelle comme ça parce qu'il y a une montagne et un fleuve à côté. Après il y a une nécessité d'une science parce qu'il y a des superpositions des langues qui peuvent avoir le toponyme des moments peut démorer 1000 ans, 2000, 3000, 4000 ou 6000 ans. Il y a des restes de langues qui ont complètement disparu et du coup Ezako qui nécessite une forme science, scientifique. Okay. Pour tâtons, par comparaison, essayer de retrouver le sens des mots de langue qui n'ont pas du tout laissé des traces. Ok, d'accord. Donc c'est pas toujours un truc récent qu'on a essayé d'effacer. Souvent, le Lusitan est dans la grande, immense majorité des noms de lieux, mais il y a quand même des... Ouais, des noms, par exemple, des... de roches ou de trucs, ouais. Mais dont on n'a plus l'utilité. Enfin, parce ouais, que c'est, ou la c'est langue a disparu, ans. Sûr. Ouais. Okay. Ou d'éléments qui ont disparu aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Des arbres ou des bâtiments ou des choses ouais. qui n'existent plus et qui sont encore présentes. Des réalités qui ne sont pas présentes. Mmh. Et du coup, dans cette rubrique, vu que c'est la rentrée, on fait un petit... On explique un peu ce qu'on fait. Dans cette rubrique de toponymie, en général, on essaye de... Justement, de présenter un nom de lieu et d'essayer de décortiquer un petit peu ça. Voilà, bah c'est un peu la première de la saison, donc c'était plutôt... Bah, j'ai fait des toponymes islandais. Ah ça, oui, c'est vrai. Ça compte carrément. On a eu notre... Bah, d'ailleurs, j'aimerais bien que tu le redire, le mot. Alors, il y en avait deux. Le premier, c'était « Eyjafjallajökull ». Eyjafjallajökull. Donc c'est le glacier sur les montagnes proches des îles. Trop facile. Et Eyjafjörður. Eyjafjörður. Qui est le fjord des îles. Et c'est une petite île qui est au-dessus d'Akureyri. Et c'est très très beau. Waouh. Ok. Fort bien. Mmh. Avec tout ça, on peut passer à notre prochaine rubrique qui, pour la rentrée, porte un nouveau nom. Et oui, ce n'est plus la rubrique lexique, mais la rubrique, cortication. Vous allez bientôt le comprendre. Pourquoi ça s'appelle la rubrique cortication ? Ou courtication. Courtication. Alors, la rubrique cortication porte son nom depuis dès aujourd'hui, car nous avons décidé que ce n'était pas juste le moyen de définir un mot ou de le déconstruire. Notre rubrique permet de le décortiquer, de le recortiquer, notamment pour les mots qui sont acortiques. Voire de les cortiquer tout court. Exactement, je n'osais le prononcer. Eh bien, donc voilà, le mot cortication est le produit de la rubrique lexique qui a du coup changé de nom. Exactement. Donc ouais. À cette occasion, nous allons tout de même parler d'un lexique, le gaga. Juste, mais il faut y penser au verbe corticationeia, qui veut dire de faire de la cortication en y prenant beaucoup de plaisir. Ah ouais, c'est bien ça. Ah c'est vrai, j'ai déjà entendu ça quelque part. Corticationeia. Donc cortiquer des mots avec joie. Avec plaisir. Alors, j'ai dit le lexique gaga, mais en fait je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Parce que c'est vrai que je ne sais pas, et vous allez peut-être me répondre, si c'est une langue, ou attention, je vais le dire, un dialecte, ou attention, je vais prononcer, est-ce que c'est un patois ? Voilà, je ne sais pas comment ça se situe, le gaga, je sais juste que ça se passe dans le coin, et moi je ne suis pas du coin, et je veux bien qu'on m'explique. Moi, tu sais bien ce que ça veut dire, fouilla ou momblé ? Fouilla, c'est quoi ? Fouilla. Ça veut dire quoi, fouilla ? Alors, je trouve qu'on a quand même un truc qui c'est qu'on n'arrive jamais à définir autrement qu'en répétant le mot. Ouais, c'est grave. Ça veut dire quoi, peut-être fini T'es proposé à Waya. Waya, c'est quoi ? Waya. Arrêtez, j'ai l'impression qu'on parlait en rebeu, en fait. Ça veut dire quoi, fouilla ? Comme je te l'ai dit, c'est fouilla. Mais genre, tu fais ça Attendez, vous voyez pas. Alors, on va l'écrire. Elle remonte les épaules. Fouilla. Il y a la gestuelle, Elle a l'air un peu blasée et qu'il y a beaucoup de choses qui lui arrivent. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que tu me dis, mais bien sûr. Oh là là. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est bien aussi de pas traduire, en fait. Ok, on n'est pas obligé de traduire. Est-ce qu'on peut donner juste des exemples ? Mettons, je vois une poule au milieu de la route. Est-ce que je dis fouilla ? Bah, tu vas dire fouille, hein, qu'est-ce que tu fais là ? Eh, d'accord, ok, c'est comme le mot pétain de merde en fait. En fait, c'est quand tu t'esclaves d'un truc qui vient de t'arriver, quoi. C'est ça, non ? Ouais, il y a une surprise, ouais. Il y a une surprise, ouais, il y a une surprise. Ok. Après, sur la définition du mot gaga, au départ, gaga, au masculin gaga et au féminin gaga, qui sont les habitants de Saint-Estève, de la ville. Les centièbres. Ah. Et du coup, jusqu'au fin du 19e, par extension, qui est la forme de la langue qui s'appelle le franc-provençal ou l'arpitan, de Saint-Étienne, des centièbres. La langue est une langue dialectale, donc a des formes différentes, des expressions locales différentes, et l'expression locale de laquelle ville s'appelle Lugaga. Mais le sens actuel, le sens d'Anne, est différent parce que la langue a s'est perdue, mais reste des vestiges. Et du coup, ce que s'appelle le français régional, souvent. Le français régional est une française en bas des mots de vocabulaire de Gaga, d'Arpitan, des formes syntaxiques de la construction de la phrase et de l'accent et la façon de la mélodie, la musicalité de la phrase, de la langue. Mais on peut aussi considérer que du coup c'est une nouvelle langue en fait. Que une langue entre plutôt. deux langues en fait. Et ouais, mais un pont entre deux langues. Voilà, en fait, ouais. Peut-être, mais en tout cas, c'est pas parce qu'elle a puisé de différentes langues qu'elle en est moins forte. Et que peut-être que là, elle en a un état où, oui, elle a été... C'est de l'arpitan qui a été imposé par le français. Mais que maintenant, quand on entend parler des gens en gaga, je pense, enfin, personnellement, moi, il me semble que je considère que c'est une langue, en fait. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui le revendiquent et qui en sont fiers. Et à coup, qu'elle se trouve que c'est une... de tourner à trouver la fierté de son identité. Parce que justement, le gommage de la différente culture a fait à quoi enfin que le monde sont venus honteux de leur propre identité. Mmh. Et du coup, se sont mis dans une autre identité qui n'est pas la leur, parce qu'ils avaient honte, avaient vergogne de leur identité. Donc, il y a une histoire de réparation d'Ako. Et plus avoir honte. Donc rien que pour ça, je trouve que ça me semble légitime de dire que le gaga, c'est une langue, ne serait-ce que parce que des gens... le définissent comme leur langue et que après tout une langue c'est quoi si c'est pas autodéfinie Affaire à suivre. On a toutes et tous inventé des langues quand on était petit peut-être et encore maintenant et voilà encore maintenant et c'est pas pour ça que c'est pas des langues parce qu'elles sont pas parce qu'elles seraient pas complètes ou parce qu'elles auraient pas Ouais, les définitions des langues ne sont pas toujours objectives. Ouais. Mmh. Et elles permettent souvent, quand on parle d'une langue, ça permet souvent de mettre en lien des rapports de force et de domination. Tu vois, quand on dit que ça, c'est la langue et que derrière, il y a toutes ces langues qui viennent de cette langue-là. Et du coup, et après, on va dire qu'il y en a, c'est des dialectes de cette langue. Et que, en fait, ça permet juste de faire une sorte de filiation, mais souvent, ça montre un peu une domination. Alors qu'en fait, si on considère... Ça peut être seulement une grande famille et pas un truc hiérarchique. Voilà. Et c'est par contre qu'il parle d'expression locale de la langue. La langue regroupe tout et l'expression locale. Tiens. Bon. On va passer à une petite musique, une rubrique. Mais c'est vrai que on est sur la nouvelle rubrique. Mais alors qu'est-ce que c'est C'est quoi la nouvelle rubrique Je sais pas, attends, Danette, c'est quoi cette nouvelle rubrique On peut peut-être quand même dire que le nom est pas fait pas pour l'instant. Ah oui, c'est pas un nom définitif, mais c'était quoi Parce que là, je m'en souviens. Ah, c'est tu qui es vu. Ah oui, c'est la champrise. Mais qu'est-ce que la champrise? Ah oui, la champrise. Bah, le meilleur, c'est de l'écouta. La champrise. Non, mais juste pour dire, on peut dire la champrise. C'est qu'en fait, là, on va découvrir une musique en même temps que vous. On sait pas ce que c'est. Inch'Allah, c'est bien. Et après, on voit. On sait juste que c'est en langue inuite. Et ça a été proposé par quelqu'un. Et on va... quelqu'une on va... Ah non, ça a été proposé par quelqu'un, c'est chanté par quelqu'une. Voilà, et en fait, l'idée de cette rubrique, c'est de découvrir une chanson, et voilà, qu'on ne la connaisse pas toutes. Personne. Toutes. Voilà. Donc si vous avez envie de nous proposer des musiques, n'hésitez pas à nous envoyer le nom sur lengrebelle@riseup.net. C'est ça. Donc leng au plural. LENGAS-6 REBELAS@riseup.net. Allez, on écoute tout de suite Élie Sapier. Anna, alors, on est toujours sur Radio Dio 89.5 et on vient d'écouter Elissa Pied et le morceau il s'appelait Arnaque. Oh. Arnaque, A-R-N-A-Q. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de cette chanprise? Cette chanprise était plutôt chouette pour ma part, j'ai trouvé. Ouais, moi aussi. En fait, moi je crois que j'aimerais bien réécouter en lisant les paroles. Et je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à un futur thème peut-être de notre rapport entre l'écrit et l'oral, ce besoin de voir l'écrit, une langue écrite ou pas. Ah, c'est vrai que j'ai beaucoup ça, moi j'ai besoin de référer à un truc visuel pour capter les mots, savoir quels sont les mots dans les sons que j'entends. Et c'est, ah ouais, c'est même si évident. Tu connais pas la langue. Ça m'aide à apprendre. Ah mais moi aussi, parce que tout à l'heure quand je disais que je connaissais la musique de Tarkan, mais j'en connais d'autres, hein. En fait je connais plein de chansons turques, là je me la racle un peu. Mais je comprends rien à ce que je chante, mais par contre effectivement il y a des fois des musiques qui flashent, j'ai la nécessité de les écouter et de voir les textes et de les apprendre par cœur, c'est comme ça, même si je comprends rien. Après pour faire de clarté, de transparence, mais parce qu'on était rien pas super concentré sur la chanson et notre moment des pauses et ah ouais, on était même parlé d'autres sujets et oui, du coup c'est un peu vrai. Rien pas d'affond sur la chanson, mais que nous empêche pas de ressentir. Ouais, c'est une nouvelle rubrique, on est encore un peu dissipé. Ouais, on n'était pas ultra concentré dans l'écoute, mais on l'a quand même écouté. Merci, ouais. Merci à cette chère personne qui nous a transmis cette chanson. Voilà, moi je la réécouterai. Ouais. Si c'est comme ça. Du coup, on arrive sur une autre rubrique que vous connaissez déjà, chers auditeurs, auditrices, qui s'intitule Actulangue. Eh oui, l'actulangue. Ah, du coup, commence Ah, il faut présenter la rubrique peut-être. Ah oui, c'est vrai. Et ah oui. Ouais, on a dit ça. C'est quoi l'actulangue? Vas-y, Zanzanette. vas-y, Zanzanette. Mais l'actu langue, c'est parler de ce qui se passe en belle langue, dans le monde, ou localement, ou partout, ou d'autres galaxies, ou d'un train de rail. Des faits notables autour des langues, ouais, quoi, en ce moment, quoi. Ouais, en ce moment. Des ouais. Vias qui ne sont pas. En ce moment. On est par là 15 ans ou longtemps, mais pour si tu as des éléments marquants qui nous semblent pertinents. Tout à fait. Et à ce propos, tu dois nous parler de. Du bachat caillou. Le bachat caillou. Le bachat caillou. Le bachat caillou. Alors qu'elle a failli sous que le monde du forêt ont de se rire du sérieux du baccalauréat. Du coup, pour pas subir, parce que c'est les personnes pour pas subir le fait que le bachat qui est une sélection et tout à coup, n'en rire. Ils font un objet de rire et disons le bachat caillou qui est l'auge des cochons. Pour dire que tiens, pour trouver dans leur langue une façon de dire le mot baccalauréat, batsat koyou. Et du coup pour le batsat koyou de 2018, il y a quelques lycéens qui ont passé le batsat en basque et en breton, les écoles Diwan et Ishkatola. Et il y a eu une mauvaise surprise par des élèves qui ont eu la note 0 en mathématiques. Perqué le correctou par la Vopa, basque et breton. Et du coup, qu'on montre bien que même s'il y a des petites fenestrounettes dans l'état français pour accepter les langues, eh bien, à un moment donné, il y a un retour à la non-tolérance et à la non-acceptabilité de. Perqué le professeur des mathématiques à son collègue professeur des bretons, professeur des basques à Kousta, il peut lui dire dis-moi les quatre mots de texte écrit dans une épreuve de maths. Oui, parce que c'est ce qu'on allait dire. En fait, on était sur une épreuve de maths, donc j'imagine qu'il n'y avait pas. Il n'y a pas un vocabulaire infini. Enfin, ouais. Puis en plus, enfin, on est d'accord que le professeur en question savait bien que ses élèves venaient d'écoles immersives où les gens parlaient pas français. Je ne sais pas s'il savait, mais en tout cas, les chiffres, s'il te plaît. Oui. Et il a refusé de corriger. C'est ça. Des routes à zéro veut dire que même s'il y a des calculs purs, ils ne sont pas pris en compte. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Donc c'est une réaction épidermique. Enfin, ok. C'est horrible. Sacré et j'espère qu'ils vont s'en sortir et trouver une solution à ça. Et que ce prof sera interdit de correction. Maintenant, il sera content. Forcé de correction. En breton. Ah oui, c'est pas mal. Alors moi, j'ai une autre actu-langue, c'est à propos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 26 septembre, pardon, c'est la journée européenne des langues. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Franchement, moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire. On a cherché tout là pour présenter l'émission. Je pense que la raison unique de la création de cette journée, ou en tout cas ce qu'on peut en voir en France, si vous regardez peut-être les infos ou autre chose, c'est une manière de se dire, ah bah oui, en France, oui, il se passe des trucs sur les langues, entre autres régionales, oui, il se passe des trucs. Mais bon, tout le reste de l'année, il se passe rien. Donc on est d'accord, c'est un peu comme la journée des droits des femmes, qu'on appelle quand même trop souvent la journée de la femme, qui fait que bah, le reste de l'année, il n'y a rien. Donc pour la journée européenne des langues, bah voilà, c'est aujourd'hui, bonne journée européenne des langues. Ça veut bien dire que le reste du temps, une journée dans l'année, ça suffit, hein. Voilà, le reste on s'en fout. Ok, est-ce qu'on avait d'autres actu langues ? Pour cette fois, je crois pas. Non. On va directement passer à l'agenda. Oh, l'agenda, il se passe des choses et tout là. Qu'est-ce qui se passe par là sur les langues ? Moi, je vais vous présenter un truc. Est-ce que on n'a pas dit dans quel ordre on présentait les choses ? Ah oui. Mais je vais tout de suite faire de la pub pour ce dimanche 30 septembre à Chazelles-sur-Lyon, à la MJC de je sais pas comment elle s'appelle, mais je sais qu'il y a qu'une MJC à Chazelles-sur-Lyon, et ce sera dans cette MJC. Eh bien, dans cette MJC, le collectif Faute de Frappe vous accueillera à... Attends, à 15h pour différents ateliers sur la... Pardon. Sur les politiques linguistiques, sur comment se réapproprier la langue, sur comment la travailler, la défoncer ensemble. Et ensuite, il y aura un petit temps de pause et ensuite on passera à une conférence gesticulée. Donc l'atelier s'appelle... comment ça s'appelle ? Merde. Bon, je ne sais plus. Mais la conférence, c'est la conférence de Faute de Frappe qui s'appelle « Mon point dans ta gueule ou dans ta face ». Et en fait, c'est le point qui sert à marquer le féminin dans le français. Mais évidemment, on ne va pas parler que de ça. On va parler de en fait, comment dédramatiser la malléabilité de la langue, comment faire de l'inclusivité quelque chose de plus radical aussi. Et voilà, comment faire ça de manière assez sportive, vous le verrez. Ensuite, il y aura un petit repas pour en discuter, parce qu'on n'aime pas les questions de fin de conférence, on préfère faire ça autour d'un repas. Donc voilà, ce sera à Chazelles, à partir de 15h pour les ateliers, à partir de 18h pour... À partir de 18h pour la conférence, à la MJC de Chazelles. Trop bien. Ok, et il me semble que tu avais une... Zanzanet, tu avais un truc à présenter aussi. Oh, il y a donc qui fait un lien avec la thématique de la toponymie, justement pour se réapproprier à la toponymie, à l'IEU, l'Institut d'études occitanes des Rhône-Alpes, des Rosé-Aubes, avait décidé de faire une journée sur le nom de la commune, donc toutes les communes occitanes des Drôme, d'Ardèche, des Leyre, de Loire et d'Isère. Donc c'est passera à Porte-les-Valences, au sud des Valences, à Quest-Dissande, Vintenau, ce samedi 29 septembre. Et sinon, on a plus près de nous un petit rendez-vous ce soir. Deux rendez-vous ce soir. Tout près, tellement près. C'est incroyable, c'est un peu toujours les mêmes, mais on vous le rappelle. Il y a d'abord l'atelier Arpitan. Et Occitan. Et Occitan au remue-ménage. Donc, ce sera aussi temps à Questesser, à 6h30, dans 28 minutes. Très bien. Et à 20h, c'est la rentrée de cette petite chorale dont nous avons parlé quelques fois. Cette grande chorale. Cette petite et peut-être grande, si vous venez. Et on se retrouve à 20h à La Rechute, donc rue Royer. Et n'hésitez pas à venir. C'est une chorale où il n'y a aucun objectif de performance. On n'est pas obligé de savoir parler les langues qui sont dans les chansons, ça tombe bien, on apprend sur le tas. Et voilà, juste avoir envie de peut-être chanter, peut-être écouter. Partager, chanter ensemble. Peut-être se retrouver au milieu d'un atelier réécriture de chansons. Enfin, le programme n'est pas fait. Peut-être ramener son instrument aussi, on peut faire ça. Ah ouais, carrément, ramenez vos instruments, venez avec des instruments. Ok, donc là, il me semble qu'on a fait le tour sur, sur l'agenda. On peut peut-être rappeler la date de la prochaine émission, qui sera le 24 octobre, si je ne me trompe pas, à 17h sur Radio Dio 89.5. Tout à fait. Et on vous présente peut-être rapidement notre prochain thème pour vous donner l'eau à la bouche. Une petite phrase ou nette ? Oui. Alors, peut-être juste une phrase alors. Que devient la langue après l'État ? La lingua. Les langues. Et ouais, peut-être que ça sera l'occasion, Zenzanette, de savoir quelle est la meilleure langue pour être zadiste. Je trouve qu'on n'est pas loin. Je pourrais tout apprendre mes études, laissant en route. Ouais, mais tout de suite, la meilleure langue, c'est-à-dire qu'il y a une compétition, là, moi, je suis pas d'accord. Ouais, bon, alors, carrément. Les meilleurs. Bah, peut-être que ça serait... On a déjà la réponse, là, non, mais... voilà, l'émission est annulée. Et voilà, mais ça, c'est parce que ça sent la fin, en fait. Il est quand même déjà 18h03. Ouais, on est censé... On est censé se dire au revoir. Oui, on vous dit au revoir et n'hésitez pas à nous envoyer des mots doux sur notre adresse même mail. Des mots durs, même des mots qui piquent. Ouais, plein de mots sur langrebelle@riseup.net. Et avant de se quitter, enfin non, on vous dit au revoir et en même temps on s'écoutera quoi ? Alors on va écouter un petit morceau de The Do qui s'appelle Unisassi en finnois. Allez, bisous, salut. Salut. Adieu chat. Oxalacin, tibarpunen, eras in het, kexunisa.